Confiteor par Arnaud Fontaine. Ma femme, je l'aime. Je l'ai aimée dès que je l'ai vue. Je la revois encore telle qu'elle était la première fois. Une jeune fille au visage charmant couronné d'une abondante chevelure blonde, à la peau blanche comme du lait et aux bonnes joues roses de Normande. Deux grands yeux bleus au regard limpide et profond, une bouche à la moue sensuelle, des lèvres rosées s'ouvrant sur des dents d'une blancheur éclatante complétaient cet ensemble ravissant. Une jupe noire, un chemisier blanc et une veste lit-de-vin qui lui saillait à ravir faisaient encore mieux ressortir l'éclat de sa troublante beauté. Petite et menue, la démarche élégante, elle était la grâce incarnée d'une distinction parfaite, sans mièvrerie ni exagération. On s'était rencontrés au casino d'Oulgat où elle faisait des extras. Et c'était un mot qui lui allait à merveille. Extra, extraordinaire, extraterrestre. Alors forcément, je lui ai commandé un extra dry, qu'elle m'a servi avec un sourire à couper le souffle. Après avoir bu mes deux ou trois coupes de champagne, je lui ai laissé un pourboire en guise de juste retour des choses. Et puis, prenant mon courage à deux mains, je lui ai aussi glissé mon numéro de téléphone, sans grand espoir. Elle était si splendide et moi si ordinaire. Mais qui n'a pas déjà sauté en l'air en espérant décrocher la lune? Finalement, quand je ne m'y attendais plus, elle m'a rappelé. On s'est vu, on s'est plu, de plus en plus, si on s'est marié, à la mairie d'Oulgat. Ce jour-là, il faisait beau, ce qui, vous l'avouerez, est un comble en Normandie. Moi, qui suis si superstitieux, j'aurais préféré un mariage plus vieux. Elle était belle comme un soleil et moi j'étais beaucoup plus vieux. Le destin a de ses clins d'œil parfois. Mais bon, voici bientôt un lustre que nous étions devenus, monsieur et madame Melson, nos noces de bois se profilant à l'horizon. Année décisive pour un couple, m'avait dit ma mère. C'était là que l'on voyait si les jeunes mariés étaient parvenus à construire un ménage suffisamment solide pour pouvoir évoluer et s'épanouir dans le respect de l'autre. Le bois évoquait l'enracinement des sentiments et la floraison de l'amour, étape nécessaire avant de pouvoir grandir et déployer ses branches dans le ciel. J'étais d'ailleurs curieux de savoir de quel bois serait fait notre baliveau, du charme ou du sapin. Mais j'avais de quoi être optimiste. Au fil des années, combien de fois n'avais-je pas entendu « Armand, avec Élodie, vous formez vraiment un joli couple ». Avec mon humour pince sans rire, qui me venait probablement de mes ancêtres anglais, je répondais invariablement « Elle fait la jolie et moi je fais le couple ». Nous avions vécu 5 ans de bonheur, comme ces mariages où les époux se croisent plus qu'ils ne vivent ensemble en réalité. Élodie avait trouvé un travail dans une agence immobilière de la Côte Fleurie et moi je conduisais ma locomotive entre Deauville et Paris-Saint-Lazare. Départ tôt, rentrée tard. Pour elle, le samedi, des visites avec des Parisiens. Nous finissions la semaine tellement fatigués que le dimanche on se la coulait douce. On ne demandait rien d'autre à l'autre que d'être là, plus exactement d'être là, avec un S. Nous étions éreintés au point que rien ne devenait plus important pour nous que de ne rien faire à deux, ne rien exiger de l'autre, ou seulement en dernier recours. Et puis, le lundi 16 mars 2020, le président de la République a ordonné le confinement. Au début, on a eu du mal à y croire et à comprendre de quoi il s'agissait. Les premières semaines, je dirais un petit mois, cela sembla idyllique. On passait du temps ensemble, on rattrapait notre retard en faisant fondre comme neige au soleil les piles de livres que nous avions accumulées au gré des Noëls et des anniversaires. Le soir, on se faisait des bons petits plats et on s'ouvrait des bouteilles de vin délicat. La nuit, rompue d'extase, on s'endormait dans les bras l'un de l'autre. Dans la journée, à l'abri de notre tour d'ivoire, nous regardions amusés les rues adjacentes se vider plus vite que nos flûtes de champagne. Robinson volontaire dans notre cocon, nous jouions parfaitement le jeu de la quarantaine, plus pour nous couper des autres que pour s'en protéger. Ce furent, je pense, les plus beaux jours de ma vie. Au 1er avril, nous commencions cependant à tourner en rond comme deux poissons rouges dans leur bocal. Vu que notre mémoire excédait de beaucoup les 2 secondes réglementaires de la jante piscicole, on se mit à se chamailler puis à s'excéder mutuellement. Les petits défauts de l'autre, qui jusque-là étaient passés sous nos radars individuels, devinrent de jour en jour totalement intolérables. Le 15 avril, à ses yeux, j'étais passé du statut de confiné à celui de confini. La réciproque était vraie, car dans le même temps, le vernis de ma déesse craquait de toutes parts, au point que je ne voyais plus en elle qu'une mégère inapprivoisée. Elle eut alors une idée qu'elle crut lumineuse. Faire des travaux dans la maison, jardiner. Nous bouger, quoi. Dire que je n'aime pas ce genre d'activité, c'est peu dire. Et puis je suis, hélas, d'une maladresse proverbiale. Vous connaissez la loi de Murphy. S'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie. Eh bien, ne cherchez plus. Ce quelqu'un, c'était moi. Et le quelque part, c'était notre maison d'Oulgate. Tensions et disputes demeurent alors notre lot quotidien. Sur la chaîne d'information continue qui nous tenait compagnie du matin au soir, un psychologue annonçait sentencieusement « Dans ces périodes inédites, les couples qui sont contraints de cohabiter plus que de raison vont être mis à rude épreuve. Il y a fort à parier que cet hiver, on verra une explosion du nombre de naissances, mais aussi des divorces. » « Tu parles, Charles. Face à notre montagne d'incompréhension mutuelle, nous étions plus sur le versant séparation que sur celui de la procréation. » Le 13 mai, en guise de gâteau d'anniversaire, j'eus droit à une soupe à la grimace à l'auberge du cul tourné. Un vrai coup de bambou. Fini la lune de miel. Le temps où Élodie, lovée contre moi, ne portait qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Ce fut le point de départ de notre lune de fiel. Le moment où tu te souviens de jours anciens et tu pleures, tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Le lendemain, je pris la décision d'établir mon camp de base dans le bureau et je dormais les nuits suivantes sur un lit d'appoint. À partir de ce jour-là, plus rien pour moi ne fut vraiment pareil. J'étais en proie à des idées noires et je tentais de chasser les atroces pensées qui m'assaillaient, sans pouvoir y parvenir. L'envie d'en finir se fit jour dans mon esprit. Ordinairement, dans une phase suicidaire, on plonge graduellement dans les affres d'une dépression psychologique abyssale, presque hypnotique, dans laquelle le sens commun et le plus élémentaire instinct de conservation disparaissent. L'homme forme alors mille projets macabres, et s'il ne passe pas à l'acte, il reprend petit à petit possession de lui-même, exception faite des psychopathes, bien évidemment. Mais, Dieu merci, on ne croise pas cette engeance à tous les coins de rue. Un tsunami semblait alors avoir dévasté tout mon être, mais une fois la lame de fond essuyée, j'arrivais enfin à reprendre le dessus. Le 22 mai, nous avions franchi un nouveau cap, celui des insultes directes. Je me les prenais en pleine face quand je rendais inutilisable ce qui jusque-là fonctionnait tant bien que mal. Un verre cassé, une soupière ébréchée, un pot de peinture répandu sur le parquet, mes innombrables gaucheries la faisaient sortir de ses gonds. Un miroir en miettes et on était parti pour 7 ans de malheur. En guise de bonne nuit, je recevais des colibets par SMS, moi, le nul, le bon à rien, qui rendait son existence invivable. Ping-pong délétère. S'ajoutaient à cela les appels à Gaël, sa meilleure amie, pour se plaindre, les pleurs, les « dès que l'on peut sortir, je le quitte, je n'en peux plus de lui ». Au début, cela me mit en colère, puis me rendit infiniment triste. Peu à peu, je me fis une carapace jusqu'à ce que cela glisse sur moi comme l'eau sur les écailles d'une tortue. Quelques jours avant juin, j'avais fait du chemin dans ma tête et je m'étais fait une raison. Dès que nous serions déconfinés, je serais fin prêt à commencer une nouvelle vie sans elle. Le 8 juin, son dressing était vidé. Notre conjoint amputé d'une somme suffisamment importante pour lui permettre de voir venir. Le 9 juin, première nuit dans notre lit conjugal redevenu zone libre, où je me fis l'effet d'un commandant Kiefer qui aurait libéré la plage d'Ouistreham la veille. Je sormis du sommeil du juste, dormis. La vie alors reprit son cours. Pour faire bonne mesure, j'appelais Gaël pour savoir si par hasard elle savait où se trouvait Élodie. Aimable comme une porte de prison, elle m'expédia en quelques mots. Elle avait besoin de couper, tu comprends? Couper avec toi, se libérer. Elle a besoin de faire silence. J'espère qu'elle est loin et qu'elle peut enfin s'aérer l'esprit. Couper, dont acte. Puis j'eus le droit au défilé des amis du couple. Aude, qui vint aux nouvelles pour voir si j'en avais, justement. Je n'osais pas parler de mon soulagement, alors je ne dis presque rien. Aude, comme à son habitude, était intarissable. Elle refaisait notre histoire, me parlant des bons moments, comme quoi on avait toujours été le couple modèle et patati et patata. Et que donc, ça ne pouvait pas finir comme ça. Elle en était certaine. Elodie allait revenir et elle comptait sur moi pour recoller les morceaux. On y compte tous, tu sais. Le confinement était dur pour tout le monde, mais c'est votre amour qui doit être le plus fort. 3 jours plus tard, mon collègue Richard débarqua à la maison et m'a sonna. Je l'aperçus à Caen, au café de la République, avec un grand type. Tu vois, le genre belâtre. C'est une passade, ça ne durera pas. Moi, interdit. Il l'avait entrevue, avec un autre. Comment était-ce possible? Comment pardonner cette trahison totale? Écoute, avec Clara, on a aussi eu une mauvaise passe. Je l'ai trompée, tu sais, avec la petite rousse qui est à l'accueil, grande ligne. Bon, alors, ça a été chaud, mais au final, elle m'a pardonné. On a recollé les morceaux, et puis, tu vois, grâce au confinement, on aura un bébé pour Noël. La deuxième chance. Faut toujours s'accorder une deuxième chance. Le week-end arriva, et tout cela tournait en boucle dans ma tête. Recoller les morceaux. Une deuxième chance. Vers 4 heures du matin, en pleine insomnie, après avoir écouté une énième fois sur mon iPod comme un boomerang de Serge Gainsbourg, j'éprouvais une soudaine envie de descendre au sous-sol. Dans la pénombre de la cave, j'ouvris en grand mon congélateur spécial confinement. J'en sortis les pizzas surgelées et les glaces aux fruits de la passion. Tout au fond, au milieu de quartiers de viande parfaitement emballés, se cachait un paquet qui ressemblait à un gros chou-fleur sous cellophane. Je le déballai avec amour et je le posais sur ma main droite façon crâne de Yorick dans Hamlet. On était loin du « être ou ne pas être, telle est la question ». Elodie, elle, n'était plus. Regardant droit dans les yeux de son visage pétrifié de terreur pour l'éternité, je soupirais. « Recoller les morceaux, ils en ont de bonnes, plus facile à dire qu'à faire. » Ainsi s'achève « Confiteor » par Arnaud Fontaine.